Chapitre 18e et dernier. Lorsqu'il se réveilla, car il avait l'impression d'avoir dormi, il se retrouva dans son lit et me réveilla, il était là, penché sur lui et souriant. « Eh bien, vieux brigand, comment vous sentez-vous ? Bien ? Vous nous avez fait une belle peur ?» Au bout d'un moment, Chips murmura d'une voix dont la faiblesse le surprit. « Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Que vous vous êtes évanoui, tout simplement. » « Madame Wicket vous a trouvé sans connaissance en rentrant et c'est heureux qu'elle soit arrivée. »« Vous allez très bien à présent. Ne vous inquiétez pas. Dormez encore si vous en avez envie. » Il était content que quelqu'un eût la bonne idée de l'y engager. Il se sentait si faible qu'il ne s'inquiétait même pas des détails de l'incident. Comment l'avait-on monté dans sa chambre? Qu'avait dit Madame Wicket? Et ainsi de suite. Mais tout à coup, de l'autre côté du lit, il aperçut Madame Wicket qui souriait. « Dieu me pardonne, se dit-il, que fait-elle dans ma chambre ?» Et puis, dans l'ombre, derrière Mary Bale, il entrevrit Cartwright, le nouveau directeur. Il le considérait comme nouveau, bien qu'il fût à Brookfield depuis 1919, et le vieux Buffles, qu'on appelait en général Roddy. Bizarre qu'ils fussent tous là comme ça. En tout cas, songeait-il, je ne vais pas me fatiguer à m'étonner de quelque chose, je vais m'endormir. Mais sans trouver le sommeil, il n'était pas non plus tout à fait éveillé. C'était une sorte d'état intermédiaire, rempli de rêves, de visages et de voix. Dans ces épisodes, du vieux fragment d'air, un trio de Mozart dans lequel Cathy avait fait sa partie autrefois, des acclamations, des rires, des détonations de canons, et par-dessus tout, les sonneries de la cloche de Brookfield. La cloche de Brookfield. Alors vous comprenez, si Mademoiselle Plebs voulait que Monsieur le patricien l'épouse, si vous pouvez, menteur. Jeu de mots. C'est vous, Max? Oui, entrez. Quelles sont les nouvelles de la patrie? Oh, mi praetoritos. Ralston a prétendu que j'étais mou et n'obtenait pas de résultats. Mais on n'a pas pu se passer de moi. Un moment, il entendit qu'on parlait de lui dans la chambre. Cartwright chuchotait à Mary Bale. Le pauvre vieux, il a dû avoir une existence bien triste, toujours seul. Pas toujours seul, répondit le docteur. Il a été marié, vous savez. Ah, vraiment, je ne l'ai jamais su. Elle est morte. Ça lui est arrivé, oh, il y a bien 30 ans. Peut-être plus. Dommage qu'il n'ait pas eu d'enfant. Là-dessus, Chips ouvrit les yeux aussi grands qu'il put et essayait d'attirer leur attention. Il avait grand-peine à parler distinctement et à haute voix, mais il réussit à murmurer quelque chose et ils tournèrent tous la tête et se rapprochèrent de lui. Il luttait lentement pour prononcer chaque mot. Est-ce que c'était que vous disiez de moi à l'instant? Le vieux Buffles dit en souriant. Rien du tout, mon vieil ami, rien du tout. Nous nous demandions simplement quand vous alliez vous réveiller de votre sommeil de bel au bois dormant. Mais je vous ai entendu, vous parliez de moi. Absolument rien d'important, mon bon ami. Vraiment, je vous en donne ma parole. Je croyais avoir entendu l'un de vous dire que c'était dommage. Dommage que je n'ai jamais eu d'enfant. Hein? Mais j'en ai, vous savez, j'en ai. Les autres sourirent sans répliquer, et au bout d'un moment, Chips eut un rire étouffé et haletant. Oui, j'en ai, reprit-il avec une sorte de chevrotement joyeux. Des milliers, des milliers. Et rien que des garçons. Et alors le cœur lui chanta aux oreilles, en une suprême harmonie. D'une façon plus magnifique et plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue et plus réconfortante aussi. Petit Fer, Pollard, Porson, Potts, Pullman, Purvis, Pim Wilson, Radlett, Rapson, Reid, Reaper, Reddy Primus. Venez près de moi, tous, que je vous parle une dernière fois et vous apprenne un bon mot. Harper, Harlett, Hatfield, Hatherley. Mon dernier calembour, le connaissez-vous? Vous a-t-il fait rire? Bone, Boston, Beauvais, Bradford, Bradley, Bramall Anderson. Où que vous soyez, quoi que vous soyez devenu, accordez-moi un moment, ce dernier moment, mes chers petits. Et bientôt il s'endormit. Il paraissait si paisible qu'ils ne le dérangèrent pas pour lui souhaiter bonne nuit. Mais le lendemain matin, lorsque la cloche de l'école sonna le petit déjeuner, Brookfield apprit la nouvelle. Brookfield n'oubliera jamais combien il méritait d'être aimé, déclara Cartwright dans une allocution aux élèves. C'était absurde, parce que tout finit par s'oublier. Mais Linford, en tout cas, se souviendra et racontera son histoire. J'ai dit au revoir à Chips la veille de sa mort. Ainsi s'achève « Au revoir, Monsieur Chips » par James Hilton.